Chapitre 16e. Pendant la semaine qui suivit sa visite chez Bernard, Liane se montra d'une gaieté extrême. Madame de Chavannes, ravie, répétait « Enfin, je te reconnais à peu près. Et quand ta bonne Frimousse sera revenue, ce sera tout à fait toi. » Et Yvonne disait à Fauché « N'est-ce pas, l'oncle, elle va tout à fait bien, Madame de Gueldre. » Mais Fauché, trouvant que la marquise avait les pommettes trop roses et les yeux trop brillants, secoua la tête sans répondre. La légende de la maladie inconnue avait d'ailleurs fini par s'établir à tel point que M. de Gueldre lui-même s'était cru obligé de dire « Il faudrait peut-être revoir le docteur ?»« Bah, » avait répondu Liane, « si je suis plus souffrante, il sera temps de le faire venir. En ce moment, il ne pourrait rien dire, je ne suis pas malade. » Un matin, elle fit prévenir le marquis qu'elle était fatiguée et ne montrait pas à cheval. Dès qu'elle l'eut vu partir, elle sortit elle-même, prit un fiacre et se fit conduire à Saint-Roch. Depuis longtemps, elle n'y allait plus, et puis, ce n'était pas son heure. Aussi, la petite vieille des cierges leva les bras au ciel en l'apercevant et tout de suite demanda « Un cierge de 5 francs, n'est-ce pas, madame ?»« Non, Liane, je veux tout, tout ce que vous avez. » Et comme la bonne femme la regardait, la bouche ouverte et l'œil stupide, elle ajouta « Je veux rattraper le temps perdu. » Quand tous les cierges grands et petits furent allumés, quand Liane eut vu trembler leur jolie flamme claire, elle dit à Dieu, confiante, « Il vous implore pour moi cela, mon Dieu. Pardonnez-moi et prenez-moi. » Et au moment de sortir, elle s'arrêta, voulant revoir encore ce petit coin de la vieille église, gaiement illuminé par les cierges, qui cette fois brûlaient pour elle. Quand elle rentra, M. de Gueldre n'était pas encore revenu du bois. Elle se dit « J'ai le temps de m'habiller avant le déjeuner, ça vaut mieux. » Ça aura l'air plus naturel. Ouvrant l'immense armoire où elle mettait ses robes, elle les regarda et murmura en souriant. « Il faut que je choisisse la plus jolie de mes housses blanches, comme dirait Fauché. » Elle mit une grande blouse de velours d'un blanc éclatant, à longue traîne, qui tombait autour d'elle en plis très doux. Elle attacha ses cheveux avec un peigne d'écailles blondes. Puis, comme on sonnait le déjeuner, elle se regarda rapidement dans la glace et pensa « C'est parfait. Quand on s'apercevra de la chose, c'est Hélène de Chavannes qu'on ira chercher probablement, et elle ne me laissera pas déshabiller. Elle dira « On ne peut rien lui mettre de mieux que ça. Ça m'est désagréable de penser qu'on pourrait me toucher. Je n'ai jamais pu supporter ça, même de mon vivant. Ainsi, quand elle entra dans la salle à manger, le marquis fut surpris de la voir en robe de chambre. « Tiens, je croyais que vous étiez sortie. » « Oui, un instant, je voulais prendre l'air, mais je suis rentré presque tout de suite. Ça ne va pas ce matin. » Enlevant la coquille de son œuf, M. de Gueldre répondit « Dame, vous ne voulez jamais voir le médecin. Après le déjeuner, je l'enverrai chercher. C'est aussi cette neige qui vous rend malade. Comment ? » s'écria-t-elle. « Il neige ? Depuis une demi-heure. Et ça tient ferme, je vous en réponds. J'ai eu de la peine à rentrer. » « Ah, il neige. » fit Liane tristement. « Je croyais que vous adoriez ça. »« Oui, » dit-elle. Elle adorait la neige, en effet. Elle pensait que l'avenue allait être toute blanche, comme elle l'aimait tant, et qu'elle ne la verrait pas. En sortant de table, elle ne fit que traverser le salon. « Je me sens très fatiguée. Je vais m'étendre un peu sur mon lit. « Vous avez raison, ça vous fera du bien. » Et regardant la robe de sa femme, Monsieur de Gueldre ajouta « Elle est jolie, votre robe de chambre. Vous avez l'air de vous être roulée dans la neige. » Liane, étonnée, pensa « C'est tout de même drôle. La dernière chose qu'il m'aura dite aura été une chose aimable. » Elle fut contente de se retrouver dans sa chambre si gaie, au milieu de ses bibelots et de ses tableaux, mais elle s'attrista un peu en voyant les vides laissés par les niches des deux chiens. Elle eût voulu avoir près d'elle ses anciens compagnons. Ouvrant un tiroir, elle prit les lettres de Jean et les brûla une à une en les relisant. Il y en avait 16, et quand ce fut fait, elle pensa « Vraiment, je me demande pourquoi je les ai brûlées. Elles ne compromettaient personne. » Puis, se souvenant du jour où le vicomte s'était fâché, parce qu'elle lui avait demandé s'il était sûr de n'être pas normand, elle se dit « Et quand je lui ai demandé ça, je ne connaissais pas encore ces lettres. » Elle remua les cendres pour qu'il ne restât pas trace du papier brûlé, et prit ensuite l'écrin et la fiole de morphine restait dans le tiroir du bureau depuis le jour où le docteur était venu, et tout de suite, elle commença à se faire des piqûres, et elle absorba la morphine jusqu'à la dernière goutte, disant seulement « Mon Dieu, pourvu que l'effet ne soit pas trop prompt, que j'ai le temps de tout mettre en ordre, qu'on ne s'aperçoive de rien. » Elle enleva rapidement l'étiquette de la fiole et, ouvrant la fenêtre, la lança à toute volée dans les pelouses neigeuses de l'avenue. Puis elle démonta le petit instrument et le nettoya avec un soin infini. Il était impossible de voir qu'il avait servi. Elle le rentra dans son écrin et remit l'écrin au fond du tiroir qu'elle referma. Alors, il lui sembla que le bout de ses doigts devenait lourd. Bien vite, elle courut s'étendre sur son lit, et quand elle fut enfin allongée, gentiment roulée dans sa robe blanche, elle murmura, plaisantant une dernière fois, « Allons, ça va bien. » Puis elle s'impatienta. Elle ne s'engourdissait pas assez tôt à son gré. L'image de Jean dansait devant ses yeux. Elle voulut essayer de lire. Sur une petite table, à côté de son lit, étaient posés deux volumes, la petite édition des Contes et Nouvelles de Maupassant et La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Monsieur de Gueldre prétendait, en riant, que depuis 5 ou 6 ans elle relisait tous les soirs ces deux livres et qu'elle savait par cœur Boule de Suif, L'Héritage et Mademoiselle Fifi. Elle savait moins bien La Tentation, disait-il, parce que c'est plus compliqué. Liane allongea la main et ramena La Tentation. Elle choisit le chapitre qu'elle préférait, la conversation d'Hilarion et d'Antoine, et elle se mit à lire, ne sentant aucun trouble et se disant, inquiète, « Est-ce que ça ne va pas réussir ?» Au bout de quelques instants, sa vue se voila un peu et son inquiétude se calma. Mais une nouvelle crainte lui vint. Si on allait voir toutes ces piqûres, tout de suite elle se rassura. « Bon, ils ne s'amuseront pas à me déshabiller. » Devant ses yeux commençaient à tourbillonner des choses étranges, de grandes fleurs, de grands pavots gris, dont les feuilles se roulaient dans des courbes de vagues qui déferlent. Et puis, brusquement, c'étaient des vagues qui, à leur tour, roulaient les grands pavots. Tout cela lui paraissait éclairé par les lampes fumeuses de l'auberge d'Elven, et très douce, la voix de M. de Guibray demandait « Est-ce que ça vous contrarierait, marquise, de me donner ce mouchoir ?» Et elle crut sentir sur ses bras courir les baisers de Jean. Elle voulut se soulever et ne put faire aucun mouvement. Puis tout à coup, une pensée atroce traversa son esprit. Si ce n'était pas vrai, le mariage de Jean? Si ce journal avait été mal informé? Et elle allait mourir? Mourir sans le revoir? Bientôt, il lui sembla que son corps devenait infiniment léger et qu'un immense frisson l'enlevait très haut. Alors elle comprit que c'était la fin. Le grand repos qu'elle avait cherché, et résignée, elle balbutia en souriant, dans un long soupir. « Mon Dieu, pas de passionnette là-haut, n'est-ce pas ?» Ainsi s'achève une passionnette de Gyppe.